Le président syrien Bachar al-Assad a fait parvenir le 11 septembre un message de réponse au maréchal Kim Jong-un. Le destinataire s'est montré reconnaissant envers le maréchal Kim Jong-un qui lui a envoyé le message de félicitations à l'occasion du 51e anniversaire de sa naissance et souhaité la paix et la stabilité au peuple syrien. Il a estimé haut le maréchal Kim Jong-un qui soutient le peuple syrien pour en finir avec le terrorisme et les terroristes. Il lui a souhaité santé et bonheur, ainsi que plus grand progrès et prospérité au peuple coréen.